pourriez peut-être écrire sur ces questions. Ça permet parfois de mettre ses idées au clair. Ce n'est pas une heure pour déplacer vos meubles. Vous pourriez peut-être écrire sur ces questions. Ou quoi ? Ça permet parfois de mettre ses idées au clair. Allons à la fois. Vous pourriez peut-être écrire sur ces questions. Allons à la fois. Ça permet parfois de mettre ses idées au clair.